France Bleu Armorique. Oh, il y a du monde au balcon. Du monde au balcon, troisième acte pour ce samedi, avec bien sûr les livres à l'honneur et puis la compagnie des Arts Paisibles aussi, que nous retrouverons tout à l'heure peu avant 18h. On va parler d'un festival qui se déroule à Pompéan. C'est la deuxième édition, c'est bien ça, hein. Tout à fait. Alexandre Bébin, bienvenue. Vous êtes élu à la culture dans cette commune et vous allez nous parler un peu d'abord pourquoi, comment ça s'est passé, hein. La mise au point de ce festival, la création et puis le bilan de la première année. Vous allez nous évoquer tout ça, ça se passe bien puisqu'il y en a une deuxième. C'est ça, et avec grand plaisir. Et j'ai dit une deuxième, pas une seconde. Donc ça suppose qu'il y en aura d'autres, on a priori. Espère, en tout cas. Et puis on va parler de l'association Calibre 35. Trois des auteurs sont parmi nous. Deux dont je connais les écrits, un dont je vais découvrir les écrits, un de ces quatre. Léonard Taukao, bonjour. Bonjour. Ça va, vous allez bien? Oui, je reviens toujours de Thaïlande, donc je me caille un peu les miches. Ah oui, peut-être un petit peu, mais il y a moins de risques de tsunami ici, un petit peu. Oui. Bon, ça dépend, au pays de Redon, on ne sait pas, il faut voir. Stéphane Grangier, bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, ça va bien. Oh, très bien. Ouais. Sur un coup d'écriture, là, en ce moment là. Oui, sur un roman, là, en ce moment, des nouvelles, et puis... D'accord. Voilà. Ah, des nouvelles, j'aimerais assez, oh, ouais. Ouais. Toujours assez trash. Non, pas spécialement. Non, pas dans ces tendres. Non, je fais dans la romance. Bien sûr. Toujours, oh bah hein. oui, c'est la spécialité de Stéphane Grangier, hein, pour ceux qui l'ont déjà lu. Frédéric Paulin, bonjour. Bonjour. Bonjour. Et vous, Fred, sur quelque chose en ce moment? Ouais, je suis dans la négociation avec des maisons d'édition. J'ai un manuscrit que j'essaye de trafiquer. Puis j'écris une nouvelle aussi, une ou deux nouvelles, et puis la sortie prochaine du recueil de nouvelles. D'accord. Alors, on va parler de tout ça, puisque vous êtes là en tant qu'auteur, mais en tant qu'auteur membre d'une association qui s'appelle Calibre 35. On va découvrir tout ça et on va parler que de noir, comme ça. Tiens, ça fait plaisir de dire, tiens, on va parler que de noir pendant une heure. Ça fait politiquement correct, quoi, en quelque sorte, hein. On se retrouve après ça. France Bleu, les plus belles chansons françaises. Ravage à la moqueur. Foule sentimentale. J'aime bien, tiens, cette chanson d'Alain Souchon. On espère qu'il y aura une foule sentimentale, et que ce sera foule d'ailleurs, FU2L, à Mine de Polar, à Pompéan. Alors, Alexandre Bébin, vous allez nous raconter comment le décor avait été planté et pourquoi Pompéan, pourquoi Mine, parce que les gens ne savent pas qu'il y eut des mines à Pompéan. Racontez-nous ça. Oui, bah, pour la première édition d'abord, comment ça s'était passé? Donc, pour la première édition, le but c'était vraiment de faire un nouvel événement sur notre commune, quelque chose de populaire, de gratuit, de fédérateur. Et du coup, on voulait mettre aussi en avant ce patrimoine architectural de la commune, qui est une mine de plomb argentifère, dont l'exploitation a été interrompue au siècle dernier, mais qui reste un symbole dans notre commune. Et donc, on trouvait que ce lieu faisait un peu inquiétant, en tout cas pour l'instant. C'est vrai, ouais. Mais j'aime bien d'ailleurs. Oui, bon, il va devenir un lieu culturel. C'est magnifique. Hein. Donc, il est déjà lieu culturel en l'état, mais il va sans doute devenir une future médiathèque. Donc, on voulait déjà l'inscrire dans ce projet culturel et redonner justement un peu une vie à ce bâtiment près de notre lieu culturel qui est pour l'instant la salle de spectacle de l'espace Beau Soleil, où on accueillera justement le festival. Ouais. Alors, pourquoi justement vous disiez un événement fédérateur? En quoi le polar est-il fédérateur? Parce que c'est, en tant que livre, déjà, c'est le premier genre vendu en France. Donc, ça touche tout le monde. Et puis, nous, on essaye de l'élargir encore plus loin. Pas seulement avec des romanciers, mais avec des auteurs de bandes dessinées, aussi avec des jeux de société. Il y aura des initiations, des jeux de rôle, des courts-métrages, un ciné-concert. Donc, on essaye vraiment de voir le polar dans toutes ses expressions. Voilà, pour toute la famille, il y aura une exposition et des lectures pour les enfants et les jeunes. Alors, on va revenir sur le programme, voilà, qui est riche, on va le détailler tout au long de cette heure. Un mot sur la première édition, quel bilan en avez-vous tiré? Eh bien, on était assez contents, assez surpris, on a eu quand même un bon public. Est-ce qu'il y a eu public. Des morts? Eh bien, a priori non, mais peut-être que les meurtriers étaient trop doués qu'on s'en est pas rendu compte. Ah, c'est ça, alors. Ouais. Voilà, donc, bilan satisfaisant. Voilà, donc on a rempilé pour cette année, on pense encore le faire pour d'autres éditions. Et puis, donc voilà, on a essayé de densifier, on a raccourci la période, et puis on a fait un peu plus d'événements sur une période plus courte pour faire un événement un peu plus fort que l'année dernière. Donc voilà. Voilà, Mine de Polar, on va en parler donc jusqu'à 18h avec également nos invités, l'association Calibre 35. L'un d'entre eux au moins sera à Mine de Polar, enfin est invité, Hervé Commer, c'est ça? Oui, hein, tout à fait. Et puis quand je dis au moins, les autres, ils passeront peut-être faire un tour, on va en parler. Allez, à tout seigneur, tout honneur. Le président, Monsieur Frédéric Pollard. Rebonjour, Frédéric. Mine de Polar, j'imagine que ça vous inspire un petit peu. Oui. On va parler de Calibre 35 parce que ça vous réunit autour du roman noir. Et encore une fois, il faut faire la différence entre roman noir et polar. Le polar peut être noir, le roman noir n'est pas forcément un polar. Il faut rappeler un petit peu la différence littéraire. Moi, je la connais pas, la différence littéraire. On a essayé de l'établir. Hein. Qu'est-ce que le polar? Qu'est-ce que le roman noir? C'est-à-dire que, à mon avis, un genre qui s'oppose à la littérature blanche, la littérature, oui, disons commune, mainstream, tranquille. Je ne sais pas vraiment comment la définir elle-même, mais le polar fait partie du roman noir, je pense. Maintenant, dans le roman noir, il y a sans doute le roman policier, il y a le thriller, il y a le roman d'aventure. C'est assez compliqué. D'ailleurs, chacun d'entre nous, à l'intérieur de Calibre 35, on représente peut-être une forme de roman noir. Cara, David Cara, là, qui est l'auteur qu'on connaît bien sur Rennes et ailleurs maintenant, parce que c'est le gros vendeur en fait de Calibre 35, lui, il fait plus du roman d'aventure thriller, vous voyez. Tao Kao, ici présent, moi, je le considère un peu comme un auteur plus politique, plus engagé. C'est du polar engagé. Stéphane Grangier, ici présent également, est plus dans une espèce de poésie noire un peu déglinguée. Et moi, je crois représenter une espèce de filiation un peu de manchette, vous voyez, quelque chose de politique, une dénonciation de la société d'une certaine manière. Commer est plus, lui, un écrivain, Hervé Commer, qui est proche de la littérature blanche, finalement. Ses polars sont plus matinés, sans doute, d'un esprit blanc. Enfin, bah voilà. Vous l'avez noté, là, une certaine différence, une certaine classification, même si Calibre 35 ne fait pas dans les étiquettes, effectivement. Mais c'était la volonté, c'est noir, c'est pas du polar pour autant. Et c'est là que la volonté, c'était c'est de réunir comme large, ça. Tout à fait. Ouais, ouais. Alors justement, à la base de l'association, comment les gens se sont un peu cooptés? Est-ce que c'est la qualité de la bière, de l'endroit où vous étiez pour en parler? Je sais pas. Ouais. Peut-être, Léonard. Vous êtes à l'origine aussi de l'association. C'est Paulin, Darcel et ma pomme au Salon de Fresle, Salon du Polar Breton à Fresle. D'accord. Paulin et Darcel se connaissaient un peu. J'avais rencontré Frédéric, moi. Le projet s'est plus ou moins été élaboré là. Puis on s'est retrouvé dans un bar à Rennes, avec tout, où je ne connaissais personne. J'ai rencontré Comer, Cara, Tanguy ce soir-là. Et puis en fait, direct, on a bien rigolé. Même avec des gens qui ne boivent que du coca, il y a eu une bonne entente. Et c'était, pour moi, qui suis un tout petit vendeur, de rencontrer des gens comme Cara ou Comer, c'était assez intéressant. Et puis eux aussi, Cara était vraiment dans une démarche un peu comme un parrain qui avait envie de faire sortir du monde de la scène rennaise. Mm-hmm. Donc tout ça, plus des bonnes soirées, ont fait que l'idée a mûri très vite. Et Critique était dès le départ intéressé, quoi. Alors Critique, c'est un éditeur et c'est un libraire, c'est Éric Marcelin. On lui tire un coup de chapeau en passant parce qu'il a plein de bonnes idées, de bons talents. Et puis il y en a encore à venir d'ailleurs, j'ai cru comprendre. On en parlera avec lui d'ici une quinzaine de jours d'ailleurs. Fin du tour de table avec Stéphane Grangier. Vous êtes le plus récent? Oui, le moi, plus récent. Oui, il y en a une plus récente, mais oui, dans l'aventure. Isabelle Amounou, voilà, je crois qu'il vient d'arriver. Moi, ça fait combien? Ça fait six mois, un peu plus d'un an. Je crois que c'est à partir de Rue des Livres, peut-être l'année dernière. Alors, c'était le fait aussi d'Yves Tanguy, qui était publié aux éditions de la Rue Nantaise. Donc, on se connaissait. Mmh. Donc, c'est vrai que j'avais une écriture noire. Donc, du coup, on s'est un peu rejoint comme ça. Enfin, je les ai plutôt rejoints. Ils m'ont accepté. Voilà, j'ai signé un CES, un contrat d'insertion, un nouveau contrat. Non, voilà, donc ça s'est passé un petit peu comme ça. Et puis après, j'aurais montré un petit peu ce que j'écrivais aussi. Donc, voilà. Voilà, un dernier mot. Oui, ouais. Même si on pose pas un regard, on n'a pas de jugement qualitatif sur les écrits des uns et des autres. On accepte, on n'intègre pas un nouveau membre parce qu'on trouve qu'il écrit bien ou qu'il. On sait pas notre propos. Alors justement, on va parler de votre propos, de vos envies de faire des choses. J'imagine que quand on crée une asso, c'est sans doute pour avoir le plaisir de se retrouver entre amateurs de noir, mais pas que ça. Et d'ailleurs, vous avez des projets tout proche. Là, à nous présenter. On va en parler après ça. Ça, c'est un extrait du dernier album de Gérard Delay. Ça s'appelle Rue Poulicaldor. À l'abri de ton parapluie écarlate et le vent sautillant s'amuse à donner des claques dans tes cheveux noirs et bleus, mais ça tient un mille à la que c'est mieux. Je me disais ce soir, c'est ce soir, c'est cette nuit. Je me disais ce soir. Et tu m'as souri. Cinéma l'Éden, on joue théorème de Pasolini. Je t'ai dit à l'oreille, je crois bien que je t'aime. Et tu m'as souri. Bien profond, tout au fond du dernier fauteuil d'orchestre. Et tu fonds comme un glaçon sous le feu de mes caresses. Un bouton, deux boutons, trois boutons, un calivresse, mon Dieu. Je me disais ce soir. C'est cette nuit, je me disais ce soir, Gérard, c'est le jour J. Ah, dis-moi que tu m'aimes, dis-moi oui. Ah, dis-moi pleurer sous la pluie. Tu m'avais voulu, tu m'avais bien eu, mais tu m'aimais plus. Les locomotives de leur voix plaintive sifflaient dans la nuit. Je vais prendre le bateau pour Valparaiso. Adieu les amis. Je suis rentré tout crotté chez ma maman, la queue basse, là où que t'étais, au ciné. Viens donc par là, puis je t'embrasse, mais mon petit, t'es transi, tout trempé, viens boire une tasse de thé. Tu vas voir ce soir, il y a l'eau chaude dans ton lit. Tu vas voir ce soir, Gérard. Alors, un petit tour à Brest avec Gérard Delahaye, un extrait de son dernier album. On parle de l'association Calibre 35 avec trois auteurs, Frédéric Paulin, Léonard Taokao et Stéphane Grangier. Et on parle aussi de Mine de Polar, donc à Pompéan, où toute la bande de Calibre 35 se retrouvera donc dans quelques jours. Comment ça se passe sur la longueur? L'envie était aussi de décliner l'événement, je crois que c'était le cas l'an passé aussi, sur un long temps, quoi. C'est pas une concentration sur un week-end simplement. Non, en fait, on essaye vraiment de décliner le polar sous toutes ses formes. Et donc, on se disait, pour vraiment savourer les choses, on essaye de. Voilà, donc cette semaine, enfin, cette fois, ce sera un peu plus d'une semaine. On commence avec une mise en bouche à l'heure du jeu à Rennes, avec une initiation des jeux de société, justement d'enquête, mafia, etc. Et on finit en apothéose avec ce salon du livre, et donc l'avant-première de Rennes ici Rennes, des auteurs de Calibre 35 aux éditions Critique. Donc voilà, on essaie vraiment de faire plein de choses, mais étalées pour que les gens puissent participer à tout et pas seulement choisir un événement. Alors même si vous le disiez tout à l'heure, le polar est une des thématiques qui se vend assez bien quand même. Bon, il y a aussi la littérature, les livres people ou les livres de cuisine qui se vendent très très bien aussi. Bon, hein, c'est une moins bonne nouvelle, au moins pour l'un des deux. Mais du côté du public de Pompéan justement, alors j'imagine qu'on vient d'ailleurs, on vient de Rennes et puis des alentours quand on est aficionado de polar, mais la commune, c'est une petite commune, comment ça a réagi à la première édition? Il y a un engouement, indifférence ou curiosité par non, exemple? Parce que la population était assez curieuse. Au début, en fait, les premiers jours, justement, il y a eu de plus en plus de monde et vraiment le jour du salon, enfin, on a été assez contents de l'affluence qu'il y a eu. Il y a eu des gens de Brest et des gens de Pompéan. Enfin, c'était vraiment. Vraiment quelque chose de rassemblateur, de fédérateur. Et voilà, c'était une belle aventure qu'on a eu envie de recommencer et voilà, de décliner encore avec d'autres partenaires, avec d'autres actions. Alors, vous le dites, hein, on va rencontrer beaucoup d'auteurs, bien sûr, mais beaucoup de choses sont faites pour être très, très ludiques et très en découverte, hein, du ciné-concert de Mélano, en passant par les jeux que vous évoquiez tout de suite, les expos. C'est vraiment ouvrir les portes le plus grand possible vers un large public pour découvrir ça. Oui, c'est ça. C'est pour ça aussi qu'on a voulu que tout ça soit gratuit, donc à part le ciné-concert, mais on voulait vraiment que tout le monde puisse s'y retrouver. Et donc l'exposition sera plus pour les enfants, on a des ateliers d'écriture, on essaie vraiment de faire en sorte que chacun puisse découvrir le genre, mais aussi ceux qui aiment le genre puissent découvrir des ciné-concerts, puissent découvrir des courts-métrages avec la SNCF, puissent découvrir les romans ou les BD. Donc chacun... quel que soit ce qu'on aime, qu'on soit fan de cinéma, fan de roman, fan de polar, fan de jeux de société, on a quelque chose à trouver, à aimer et à découvrir sur ce festival. Et ça se passe à Pompéan, donc à quelques kilomètres de Rennes. On revient à Calibre 35. Léonard, vous évoquiez tout à l'heure la création de l'association. Il y avait Franck Darcel, Frédéric Paulin et vous. C'était, bon, Franck un petit peu moins, même si quelquefois il y a un décor qui est quelquefois un petit peu politique dans ses romans. Mais c'est parce que vous vous sentiez une matière commune aussi dans un noir un petit peu en empreinte politique que vous avez eu envie au moins de créer l'assaut, même si après elle s'est ouverte à d'autres genres. Léonard ? Non, pas forcément. Moi, je prends ce qui me tombe sous les bras. Là, on me proposait de rejoindre un collectif, de faire une nouvelle. Moi, tant que je peux écrire et être publié. Et après, non, moi, j'ai rencontré les gens après, en fait. Darcel, moi, je le connaissais par rapport à Marquis de Sade. Ouais. Je ne savais même pas qu'il écrivait. Mmh. Cara, je ne suis pas un gros lecteur. Cara, je ne connaissais pas, en fait. Donc, j'ai appris à connaître les gens suite aux réunions diverses. Alors, gros lecteur, justement, qu'est-ce que vous écriviez ? La question va vous être posée également à Alexandre. Qu'est-ce que vous avez aimé un jour à tel point que vous avez eu envie d'écrire ? Du noir ou pas du noir ? Léonard, est-ce qu'il y a eu un déclic comme ça dans l'écriture et dans l'envie d'être édité, quoi, de passer à... Non, pas du tout. Moi j'ai plus une culture musicale. Et ayant de piètre qualité de chanteur et ne pratiquant pas d'instrument, mais voulant quand même m'exprimer, c'est plus la plume qui m'est venue. Moi, je me suis mis à écrire comme j'aurais pu faire du gâteau. Suite à la parution de mon premier bouquin, Carabissou et Fiction, on m'a dit que je faisais du polar, enfin plus du roman noir. Donc voilà, je fais du roman noir. Et le deuxième a été aussi qualifié sur cette thématique-là. Bah ça pourrait être un peu un ferment d'une école rennaise, d'ailleurs, parce que bon, Rennes a été longtemps capitale d'un certain rock sombre, d'ailleurs, plutôt. Ouais. Et puis, quand vous dites c'est le côté chanteur et non-instrumentiste qui m'a donné envie d'écrire, je pense à des gens comme Gilles Riault, par exemple, dans les Côtes d'Armor, qui a fait la même démarche, hein, auteur, parolier, musicien, guitariste aussi, mais qui s'est mis à écrire dans des recueils de nouvelles de noix, ou François Marlu, Philippe Marlu, d'ailleurs, qui a travaillé avec les casse-pipe, qui est aussi un petit peu entre les deux. Il y a un petit peu cet esprit-là, peut-être, Fred ? L'idée, c'était ça. L'idée avec Darcel, justement, qui, lui, est vraiment une espèce de mémoire vivante un peu fossilisée, parfois. c'est Franck, dommage, si tu nous écoutes, je te rappelle que tu viens dans deux semaines nous présenter voilà. Le tome 2 de Rock. Ouais. En tout cas, il représente cette scène rennaise, Marquis de Sade et tout ça, et voilà. Autres. Et, il a été aussi le producteur de Dao. Enfin, vraiment, il a pas eu que Marquis de Sade, mais sauf que voilà, quand on parle de Darcel, c'est cette scène, ouais, cette scène rennaise. Nous, on voulait faire une espèce d'écho à ça, une scène de roman noir sur Rennes. C'était un peu ça le propos. Et quand on en a discuté avec Darcel lors de ce salon, où était Tao Cao également, on s'est dit, tiens, il y a une scène rennaise qui apparaît en roman noir. J'imagine que dans toutes les villes, c'est pareil. Hein. Enfin, je veux dire, Rennes n'est pas plus encline à développer une scène de roman noir. Enfin, mais j'imagine. Mmh. Voilà. Nous, on a saisi le truc au bon, et puis on a créé effectivement ce. Ouais. Stéphane, vos envies d'écrire, vous, elles sont justement empreintes de culture rock ou Ça pour faire partie, mais c'était de culture tout court, parce que je sais que j'ai dévalisé un peu les bibliothèques à une époque, et je passais d'un auteur chinois à un auteur américain, à un auteur japonais, de tout ça, donc j'adorais les mots, quoi, de toute façon, déjà. Après, je suis tombé amoureux je crois que j'ai pris un coup de pied au cul, une baffe dans la gueule, un jour, en lisant Henri Miller, qui décrivait New York à la noirceur autant qu'il avait, enfin ce qu'elle lui inspirait, quoi, la ville, de toute façon, peut-être parce que comme repoussoir, comme des choses comme ça. Après, ce qu'il vivait, donc oui, ça participe. Alors, je crois que tu parlais de poésie noire ou de choses comme ça. Mm-hmm. Mais dans les villes, il y a ça, quoi. Enfin, il y a une dureté peut-être de vie. Tu parlais, Léo, à la campagne aussi, de choses comme ça. Donc, il y a des vies qui sont assez violentes, quoi. Donc peut-être que ça participe aussi à ça, à retrouver cette atmosphère. Donc, j'ai lu énormément de choses. Lui m'a. Mais comme Léo disait tout à l'heure, en fait, c'est quelques personnes, Fred, qui m'avait dit ouais, c'est du polar. Mais je n'avais pas l'impression d'écrire du polar, quoi. Donc. On va continuer à parler de tout ça avec vous, et puis les projets de Calibre 35, et puis du menu du festival La Mine de Polar. On se retrouve après ça. un petit peu soul, un petit peu jazzy avec ce titre de Duffy. C'était Mercy. Il est 17h32 et nous sommes ensemble sur France Bleu Armorique. France Bleu Armorique. Oh, il y a du monde au balcon. Du monde au balcon avec l'association Calibre 35, Frédéric Paulin, Léonard Taoukao et Stéphane Grangier nous disent ce qu'est l'or noir à eux à travers leur association et leur projet. On va parler d'un recueil de nouvelles, de Noël, pour, si on veut, ça doit être le temps. Et puis Mine de Polar qui justement accueillera ce recueil à Pompéan, donc du 5 au 13 avril. Alexandre Bébin, vous êtes adjoint à la culture, élu à la culture à Pompéan. Qu'est-ce qui vous a donné envie de, alors peut-être pas d'écrire, mais de lire, ou de, quel est l'auteur ou l'écriture qui vous a fait un jour flasher, de dire tiens, je vais devenir adjoint à la culture plutôt qu'au karaté, qui n'empêche pas l'un et l'autre, hein, mais bon. Oui, donc c'est pas moi l'adjointe, mais c'est vrai que je m'occupe juste plus, élu, voilà, plus de la bibliothèque et de la culture. Quel est le livre que vous avez volé à la bibliothèque? Alors moi j'ai fait plutôt des études... Ne rougissez pas, sinon je rajoute un S. plein, non, mais j'ai fait des études littéraires et en fait j'ai adoré lire en fait tout ce qu'on me conseillait pas de lire pour mes cours, dont le polar, la fantasy, la science-fiction et voilà, c'est plutôt cette découverte de pépites qui peuvent se trouver partout et de choses qui résonnent en nous, de voilà ce que j'aime aussi dans la littérature, même la littérature blanche, même les écrits qu'on nous met dans les mains en sixième en disant ça il faut que tu le lises mon petit. C'est aussi voilà ce que ça révèle quelque chose sur nous, sur la société, et c'est ça que j'aime dans la culture, c'est que c'est pas juste quelque chose de figé, et donc je trouvais que c'était à la fois le moyen de rassembler, de faire vivre une commune, c'était aussi par la culture de faire que les gens se rassemblent et se rendent compte que c'est vivant et que eux aussi peuvent faire bouger les choses. Est-ce que dès la première édition ou dès la deuxième, maintenant, vous allez opérer ou bien vous sentez un cousinage avec d'autres lieux? Léonard parlait de Fréhel tout à l'heure. Je pense à Lamballe, par exemple, avec Noir sur la ville et des événements comme ça. Vous vous sentez naturellement des passerelles? L'année dernière, on avait un peu discuté avec Mauvent Noir. Donc cette année, on sera sur les mêmes dates. Mais pour l'instant, en fait, ce qu'on essaye surtout de développer, c'est l'intercommunalité aussi et des passerelles, par exemple, avec des écoles de musique du secteur qui pourraient nous faire des concerts ou aussi travailler avec les champs libres, avec justement les bars de Rennes, donc comme l'heure du jeu, qui feront plein d'animations durant la période. Donc pour l'instant, on essaye de continuer à enrichir ce programme en l'étendant et voilà, pas seulement vers le polar justement, mais vers d'autres formes, d'autres lieux pour essayer de diversifier et toucher le plus grand nombre possible. Puisque vous avez parlé d'un bar qui fait dans le jeu et qu'ils sont juste à côté, on peut comme ça, puisqu'il n'y a pas le droit de parler d'un bar en principe, donc on va le dire, c'est juste à côté là, si c'est je ne me trompe pas, hein, c'est tout à côté, enfin, vous avez d'un côté les impôts, de l'autre côté un bar, et un bar qui fait des jeux en plus, donc à vous de choisir après. Il y a un sex shop à côté en plus, donc c'est sympa, ça fait un voisinage intéressant, qui participe donc à ce festival également. Eh bien, espérons que tout le monde y trouvera son compte dans la commune. Est-ce que, peut-être avant la première édition, il y avait eu de la méfiance, par exemple, je pense au milieu éducatif, en disant ah oui, mais le noir, c'est pas, enfin le noir, ou le polar ici, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour les enfants, pour les écoles, puisque vous faisiez allusion justement au public jeune. Non, en fait... Il n'y a plus d'appréhension de parti pris. Non, on ne l'a pas ressenti. Au contraire, c'est plutôt après les écoles qui nous ont dit « Ah, mais comment est-ce qu'on peut faire pour plus participer? Comment est-ce que l'année prochaine, on peut s'inscrire ?» Donc, cette année, on a fait venir l'exposition « Coup de jeune sur le polar » qui est des champs libres, en fait, qui est une exposition itinérante. Et toutes les classes se sont inscrites pour venir visiter cette exposition. Mmh. Et on aura des lectures aussi pour les enfants le jour du salon. Donc, je pense qu'il n'y a plus ce décalage. Et c'est aussi à nous de montrer que voilà, ça touche ouais, vraiment tout le monde. Alors l'atelier d'écriture, par exemple, le 6 avril, ce sera quoi ça? Alors ça, on en avait déjà fait un l'année dernière. C'est vraiment un jeu à partir d'éléments de... Par exemple, l'année dernière, c'était à partir du Cluedo, donc on était parti avec voilà, les personnages très connus et voilà, des mises en scène. Donc c'est autour vraiment d'un animateur qui crée comme ça des petites situations. Et donc les gens donc, doivent s'inscrire à cet atelier d'écriture qui sera samedi prochain à la bibliothèque. Et donc en petits groupes, comme ça, on essaye petit à petit de monter les éléments d'une histoire, mais c'est vraiment quelque chose de très convivial. Voilà, mais ça permet aussi de se rendre compte qu'est-ce que c'est que l'écriture, et puis voilà, de se prendre vraiment au jeu. Et un petit mot aussi sur l'expo, coup de jeune sur le polar. Oui, donc c'est une exposition, comme je disais, itinérante, qui fait la part belle au polar, mais justement en montrant dès les romans jeunesse, la richesse de la diversité en fait de ce genre qu'on appelle polar ou qu'on appelle roman noir. Généralement, les gens connaissent mieux polar, donc c'est pour ça aussi qu'on l'a choisi. Mais c'est vrai que l'exposition, tout comme le salon, parlera aussi bien des romans d'aventure que des choses un peu plus engagées. Enfin, voilà. Est-ce qu'il existe toujours est-ce que vous en avez parlé peut-être quand vous avez créé Calibre 35 toujours au regard de la littérature dite blanche, l'image du polar pendant très longtemps, et même du roman noir, ça a été alors parfois un peu littérature de gare, sous-littérature, enfin on connaît tous les poncifs habituels, et à contrario et en même temps parallèlement, c'est l'image d'une littérature rebelle, en marge, souvent politique et pas précisément... si on accepte un auteur dont le nom m'échappe, pas précisément de droite ou d'extrême droite. ADG. Le faux frère de Manchette. Ouais. Parce que c'était la même génération. Ouais. C'était l'un à droite, l'autre à gauche. Voilà, ADG qui écrivait très bien. Oui, très bien. Mais de droite et d'extrême droite. Et c'est, oui, absolument. Ouais. Et est-ce qu'il y a quand même cette démarche aussi hein? Oui, enfin, moi je crois que le polar n'est plus uniquement politique. Il était roman de gare, roman social aussi. C'est comme ça que ça a commencé. Mm-hmm. Il est devenu beaucoup plus mainstream et actuellement, le polar qui fonctionne bien n'est pas vraiment politique. Hein. Enfin, celui qui se vend beaucoup, celui qui est en tête de gondole, n'est pas forcément très politique. Hein. Au contraire, on a même l'impression qu'il est un peu déshabillé de ses, de ce que je croyais, moi, en rentrant en polar, disons, comme on rentre en religion, vous voyez. Je pensais que, oui, il fallait avoir une attaque voilà, politique, mais non. Je crois que même certains grands éditeurs préfèrent dégager ça, parce qu'il faut le vendre au maximum. Donc voilà. Effectivement... le polar qui se vend n'est pas forcément très politique. Surtout pas politique, ouais. Enfin, surtout pas, ouais. Voilà. Oh, des succès comme la bande à Puy avec Baleine avait quand même un petit peu... C'était dans les années 80, oui, c'est vrai. Ça fonctionnait bien. Maintenant, c'est un peu... Ah, ouais, c'est vrai, c'était il y a quelques décennies quand même. Alors, le projet, là, et qui va voir le jour dans très peu de temps, c'est ce recueil de nouvelles, donc, auquel on faisait allusion tout à l'heure. Expliquez-nous un petit peu, alors peut-être tous les trois, d'ailleurs, qui en est à l'origine, comment ça s'est passé, la proposition. Est-ce que vous vous êtes donné une charte, une bible sur le choix des nouvelles? Comment ça s'est passé? Elle est très légère, la bible. C'est-à-dire que le héros doit arriver à Rennes par le TGV et entendre Rennes, ici Rennes, veuillez ne pas oublier quelque chose dans le train. Enfin bon, mais c'est ça, c'est l'arrivée sur Rennes. Par la gare, et après, tout est possible. La seule inscription au cahier des charges. Et après, on vient tous d'univers différents, que ce soit Cara, Tanguy, moi-même, au Grangier. On connaît tous Rennes, mais on ne le connaît pas de la même façon. Donc chacun traite ou maltraite la ville avec son passé dans cette ville, je dirais. Comment, justement, alors c'est peut-être le contenu de votre nouvelle, je vais vous demander à tous les trois, je vais rappeler la liste des auteurs Calibre 35, je vais vous demander comment est-ce que vous définiriez Rennes dans votre univers d'écriture, justement, parce que Fred, par exemple, vous en parlez souvent, même si on ne reconnaît pas, Rennes et les alentours de Rennes, personne n'est dupe. Alors, dans Calibre 35, il y a Valérie Lys, que j'avais le plaisir de recevoir ici également, Claude Batani, Hervé Commer, qui est venu, Franck Darcel, bon, on ne va pas citer ceux qui sont venus, puisque presque tous sont venus. Valérie Lys, Claude Batani, Hervé Commer, Franck Darcel, Frédéric Pollin, donc Yves Tanguy, Léonard Taokao, Éric Wetzel, David Cara, Stéphane Grangier et Isabelle Amonou, qui est la petite dernière. Ça commence et ça finit par une fille, la liste, c'est bien. Stéphane Grangier, Rennes, c'est quoi? Rennes, c'est... Ouais, en peu de mots. Bon, Rennes, c'est peut-être une histoire d'amour comme de haine aussi. Quoi. Ça peut être des rapports qu'on a avec la ville. Moi, je suis sur Rennes depuis 20 ans, donc c'est des périodes. Alors, des périodes, ça peut être de déclassement. C'est là que ça peut rejoindre quelque part le politique, quelquefois. Ça peut être. Rennes, ça commence comme une fête, et puis ça finit dans un quartier pourrave, quoi, avec que dalle, à ramasser ses mégots au 15 du mois. Donc c'est un rapport. C'est une personne, quoi. Une ville, c'est une personne. Moi, je sais que j'avais fait pas mal de nouvelles, et j'étais attaché au lieu, et les lieux, au bout d'un moment, deviennent comme une personne, quoi. Donc, on peut lui parler, on peut lui rentrer dedans, comme l'aimer, quoi, de toute façon. C'est l'essence un peu de la nouvelle. Léonard, moi, j'ai un peu un rapport ancien combattant avec Rennes. C'était mieux avant. Je suis né à Rennes, j'ai 38 ans, je suis né à Rennes. Moi, j'y ai fait mes premiers faits d'armes. À l'époque, la grande époque de la rue de la Soif, fin 80, début 90. J'en suis parti, j'en suis revenu. Puis maintenant, j'habite à 30 km et j'y mets très rarement les pieds. Parce que je retrouve pas ce que j'aimais avant, et puis le côté fliqué, caméra, le problème des ronds-points pour revenir de Rennes à 1h du matin quand t'as bu 4 demi, c'est forcément, t'as l'impression de risquer ta vie de passer un checkpoint. Donc je vais un peu, très rarement à Rennes. Bon, et c'est un peu l'essence de la nouvelle aussi que l'on va trouver dans ce recueil. Non, je prends un peu contre-pied parce qu'on pense souvent que je suis d'extrême gauche, alors que pas du tout. Loin de là. Je suis pas d'extrême droite non plus. Alain Soral est avec nous aujourd'hui. Non, mais le côté gauche-droite, moi, ça me dépasse. Et donc, c'est l'histoire d'un mec qui revient sur Rennes pour faire un chantier au black et qui se fait voler son sac à dos par un punk. D'accord. Et donc, c'est une course-poursuite avec justement un. Je casse l'image du punk que je trouve un peu surannée. Frédéric ? Oui, moi, Rennes, c'est. J'y suis depuis 20 ans aussi. Enfin, j'y suis. Depuis 8 mois, j'ai quitté Rennes, en fait. D'accord. Moi aussi, j'ai acheté une petite baraque que j'ai retapée. J'ai quitté cette ville dans laquelle je vivais depuis 20 ans et que j'ai aimé, que j'ai moins aimé et que je trouve, effectivement, mais ça parle de la société française, peut-être, une espèce de le centre-ville sans bourgeoise, excessivement, il y a des prix de l'immobilier à Rennes, là, à 10 000 euros le mètre carré. Ouais. Je comprends pas la raison. En période de crise économique, je comprends pas ce qui pousse des pouvoirs public à faire ce genre de choses. Et voilà, ça a perdu un peu de son âme, mais on est aussi tous des anciens combattants, et puis c'était toujours finalement mieux avant. Nos enfants diront la même chose, nos parents l'ont sans doute dit. Voilà, on ne sort pas de ça. Et puis d'ailleurs, c'est une thématique, ça, d'être des anciens combattants dans le noir. Ouais, je pense à un roman de Patrick Grénal qui s'appelle Ex, par exemple. Ex-Mao et tout ça. Mais moi, je travaille beaucoup sur ces problématiques où les anciens, les ex, qui essayent de revenir un peu sur le devant de la scène. Et Rennes est devenu un personnage, effectivement, qui s'est éloigné de moi, j'ai l'impression. D'un autre côté, je préfère habiter à Rennes qu'à Moulins ou à Charleville-Mézières. T'es certain de ça? Charleville-Mézières, Rennes, il y a quand même un terreau. C'est pas mal. Il y a quand même un terreau rebelle, culturel, vivant, ce que ça ait du punk au hip-hop, au monde techno que je connais pas mal. Il y a quand même une scène, c'est prolifique. Quoi. Quelques Rimbaldiens, vous direz que Charleville-Mézières, il y a des traces aussi. Et Pompéan, alors, puisque vous en êtes élu, un petit mot aussi pour décrire cette petite commune. C'est jamais complètement facile, quand on est une commune satellite un peu d'une grande ville, de vivre pour soi, quoi. Enfin, pour la commune. Oui, et puis bon, voilà, on est une commune, on a à peine 4000 habitants, toute jeune, puisque c'était avant une partie de Saint-Herblon, ancienne cité minière. Donc voilà, on n'est pas un charmant petit village, mais on a quand même notre caractère. Et c'est vrai que bon, on essaie de travailler justement. En satellite, en essayant de s'affirmer. Donc, Rennes Métropole nous aide aussi sur ce festival. Et c'est aussi pour ça que nous, on va essayer de travailler justement en intercommunalité, qu'on essaye un peu comme une pieuvre, d'étendre nos tentacules pour essayer de montrer qu'il n'y a pas que Rennes. C'est vrai que Rennes est un beau centre culturel, mais toutes les communes autour, on essaie tous de s'inscrire et de faire vivre notre commune. On n'est pas seulement des cités dortoirs, il y a des choses qui se passent. C'est aussi pour ça que je me suis engagée en tant qu'élue. Dans ce projet, c'était pour ça, c'était pour montrer qu'il y a des choses qui se passent ailleurs. Et voilà, le polar, c'est pas la littérature blanche, et Pompéan, c'est Paraine. Eh ben, c'est bien, ça me paraît une bonne formule, en effet. On se retrouve après ça. Il était assez visionnaire, hein, Jacques Dutronc, hein, quand même. On l'écoute dans cette chanson qui date un petit peu, mais dont le texte pourrait être écrit par son fiston. On parle de Calibre 35 avec Frédéric Pollin, avec Léonard Taoukaou et avec Stéphane Grangier. On parle de Mine de Polar à Pompéan, c'est du 5 au 13 avril, et on en parle avec Alexane Bébin. On va se retrouver tout de suite après un petit tour chez les vieux qui tombent, car Vieux Néon est avec nous. Éclaire le monde. À propos des vieux qui tombent, c'était une dame avec des rides. Elle préparait le café dans sa cuisine, et puis d'un seul coup, poum, elle est tombée. Aux urgences, on lui a dit qu'elle avait fait un vertige et que ça venait d'un trouble dans le vestibule de l'oreille interne. « Bah, j'étais dans la cuisine, » qu'elle dit, « pas dans l'entrée. » Moi, je trouve qu'il y a de plus en plus de vieux qui ont des vertiges. Et à chaque fois, on leur dit, c'est l'oreille interne. Ah, je vous explique en docteur. Anatomiquement, l'oreille interne, c'est comme l'oreille qui est dehors, sauf qu'elle serait dedans. Personnellement, j'y crois pas. Je vois pas qui serait assez débile pour replier l'oreille du dehors, ouvrir la porte d'entrée et la ranger dans le vestibule où il y a déjà les manteaux, les chaussures, les parapluies et des fois les vélos des gosses. Non, ça tient pas leur histoire. Alors voilà, moi je constate. Partout, il y a des ondes. Les ondes, c'est un peu comme le découvert à la banque. Tu vois pas l'argent, tu t'en sers quand même, et tu préfères oublier qu'il y a des adios. Bah, Vieux Néon, il pense que les vertiges des vieux, c'est les adios des ondes. Il y en a qui disent les abeilles ont le bourdon, les hirondelles un coup dans l'aile, les cachalots se crachent hors l'eau, c'est la faute aux ondes. Sûrement, oui. Et les trop de vieux qui tombent, pareil. L'équilibre, c'est quand toutes les forces qui nous traversent en sens contraire, hein, les forces qui sont pas copines, eh ben elles ont envie de trouver un terrain d'entente. Pour s'entendre, faut prêter l'oreille. Alors souvent, le vieux, il est généreux, alors il prête la sienne. Les forces contraires, elles se rassemblent dans le vestibule, elles se mettent d'accord, et elles vont prendre un café dans la cuisine. Elles sont contentes, et le vieux, il marche tout droit. Mais si tu balances des micro-ondes dans la cuisine, eh ben le café, il est trop chaud. Les forces contraires, elles se brûlent, elles se recontrarient, elles s'engueulent, et le vieux, il est tourneboulé. Alors il tombe. C'est pas de la preuve scientifique, ils vont me dire les grands fonds. Non, évidemment. Mais moi, je suis comme les gendarmes. Je constate, je verbalise. Tant que t'es jeune, tu tiens à peu près debout, et puis à cause des ondes, tu te casses la margoulette quand t'es arrivé mûr. Mais chut, faut pas le dire. Les murs ont des oreilles. Et maintenant, la fée Clochette vous offre l'apérimo du jour. Équilibrisme. Il y a équilibre quand un déséquilibre est contrarié par un déséquilibre opposé. De même, l'immobilité résulte de mouvements qui s'annulent. Il y aurait donc sagesse quand on dit tout et son contraire. La compagnie des arts paisibles. Allez faire un tour sur leur site d'ailleurs, parce qu'il y a plein de propositions, comme on dit, dans le monde culturel maintenant, de tous leurs spectacles. Il y a de bien jolies choses et puis de bien jolis mots à rencontrer. Alors, Mine de Polar, du 5 au 13 avril à Pompéan, et c'est Alexandre Bébin, qui est élu à la culture de la commune, qui nous en parle aujourd'hui avec tous ces nouveaux rendez-vous. On va conclure un peu avec la présence de Calibre 35 à Pompéan, et avec aussi, juste avant d'en parler, ces tables rondes, trois thématiques de discussion, de débat. Oui, tout à fait. Donc, on va essayer de discuter à la fois autour justement du polar pour la jeunesse, donc en lien avec l'exposition. Alors ça, ce sera le dernier week-end, le samedi 13. C'est ça, sur le salon, donc en présence des auteurs. On aura aussi une table ronde sur l'art vivant et le polar, donc par Art vivant en Ille-et-Vilaine, donc justement sur les liens qu'on peut faire entre la littérature, l'art vivant, les bibliothèques, etc. Et une dernière table ronde qui sera un peu plus dédiée justement à Rennes et Sirène, qui sera une table ronde sur le polar et les trains, puisque de l'Orient Express à Rennes et Sirène, c'est une grande histoire d'amour, si on peut dire, entre le polar et les trains. Alors, je vois que la SNCF est d'ailleurs partenaire. C'est lié un petit peu, il n'y a pas de honte, hein, ça non, va. Non. C'est encore service public pour le moment, oui, ça va peut-être pas durer. Non, la SNCF est d'une façon générale assez engagée pour tout ce qui concerne le polar. Ils aiment bien ça. Ah ouais. Donc voilà, donc ils sont vraiment un partenaire pour nous au niveau de la communication. Par exemple, le jour du salon, ils vont faire des annonces, vous voyez, jingle SNCF pour annoncer les différents événements. Donc, et puis là, c'est vrai qu'ils sont aussi partenaires pour la sortie de ce recueil. Donc voilà, ils vont nous proposer leur court-métrage, donc de la section SNCF prix du court-métrage. Donc voilà, on travaille avec eux dans l'esprit communication, dans l'esprit défense du polar, de la culture. Mais je trouve que c'est bien, mais je trouve qu'il faudrait leur proposer plus de choses, peut-être Calibre 35. Il y a effectivement des gens qui sont ouverts dans les coms de la SNCF, et il y a sûrement des trucs à inventer à travers le spectacle vivant, à travers la sortie d'un livre ou d'un disque ou des choses comme ça. Je trouve qu'il y a le train est un moment où on peut rencontrer des gens, discuter, écouter, lire. Il y a sûrement des choses à inventer. En tout cas, c'est une bonne idée de les avoir pour partenaires. Rendez-vous donc du 5 au 13 avril à Pompéan. Et alors donc, ce recueil de nouvelles avec toute la bande de Calibre 35, sauf la petite dernière qui est arrivée trop tard pour le bouclage. D'abord, vos œuvres à vous, Léonard, on les retrouve chez Territoire Témoin, qui est une maison de l'Est, là-bas. Nancy, ouais. Ah, dans Lorraine. Stéphane Grangier, c'est chez Rue Nantaise, un éditeur de Rue Nantaise, bien, qui vient ici de temps à autre. Hein. Et puis Frédéric, vous allez nous dire, comment on va trouver ce recueil de nouvelles et chez qui il sera édité. Alors, donc, chez Critique, chez éditeur, Marcelin, donc éditeur et libraire, mais qui disposant d'un réseau qui couvre tout le territoire national, la Belgique et la Suisse même. Donc on est plutôt bien couvert, et on va trouver le recueil en avant-première donc au salon de Pompéan, et 15 jours après dans tous les excellents points dans de vente qui se le procureront et qui le mettront en vente, dont voilà. Les relayages de la Fnac de la gare Montparnasse par exemple, quoi, et du relayage de la gare de Rennes, le relayage de la gare de Rennes également, donc histoire de bien partir de Paris et bien arriver en Bretagne, voilà. Quoi, exactement, c'est pas mal, c'est un très beau coup sur un plan stratégie, c'est très bien d'avoir ce genre d'endroit, hein, SNCF nous soutient quand même, ils sont pas intégralement dans le projet, mais ils nous soutiennent, ils vont faire vivre effectivement des jingles pour la sortie du recueil. Donc c'est un partenaire, la SNCF. Mmh. Oui, tout à fait. Bon, c'est bien. Il devrait en proposer comme ça de plus souvent. Calibre 35, on vous retrouve donc à Pompéan le 13 et puis au fur et à mesure de toutes ces tables rondes, etc. On rappelle encore une fois les dates du 5 au 13 avril, Mine de Polar, le festival, c'est le sous-titre, un festival de littérature et bande dessinée policière. Merci Alexandre Bébin d'être venu nous en parler et puis merci à Frédéric Paulin, à Léonard Taokao et à Stéphane Grangier. Merci. On a hâte de vous lire. Merci. À bientôt et puis vous qui nous écoutez, eh bien, vous allez retrouver le foot tout à l'heure avec Cédric Guillou, l'info avec Frédéric Dorel dans 2 minutes et puis surtout continuer ou commencer d'ailleurs à lire, hein, c'est bien, et si possible sur papier parce que ça sent bon. Sentez donc un écran, hein, ça peut être bien aussi pour d'autres trucs, mais le papier, c'est bien.